soleil couché, la nuit vient tomber. C'est toi la février dans ciel. Regret tout le temps que t'as passé. C'est la tristesse, fini la cœur. Avec vous, c'était qu'un coup au paradis. Que t'es comprenne qui t'a duré la vie. Même vini, ouais, c'est pas possible. Qu'un de bagaille pour nous subir. Soleil couché, la nuit vini tomber. C'est toi la février dans le ciel. Regret tout le temps que m'a passé. C'est la tristesse vini dans le cœur. Avec vous, c'était qu'un coup au paradis. Que m'a comprendre qui t'a duré la vie. Même vini, ouais, c'est pas possible. Qu'un de bagaille pour nous subir. Soleil couché, la nuit vient tomber. C'est toi la février au ciel. Regret tout le temps que t'as passé. C'est la tristesse fini dans le cœur. Avec vous, c'était qu'un coup au paradis. Que t'es comprenne qui t'a duré la vie. Même vini, ouais, c'est pas possible. Que de bagaille pour.